viagem de New York, uma viagem que facilita. A deux témoins, ou entre city wall. Divorce New York, encore plus facile. Après deux, trois mois, viré de la laine. N'a point juge de paix, ni commissaire, ni papier timbré, pour mettre milieu. Besoin marié pour y aurait les madames. Jeune Jean Brodeck, besoin résidence. Besoin de New York pour s'ajouter la ville. Pour le fin gain l'argent, lui comprendre les bons. Lui virer la lèvre, fille n'a problème. Mariage New York, pas bien facile. Son tête chargée, pas bien facile. Mariage New York, pas bien facile. Pour le fin pour un fil, et dollars. Mariage New York, mariage facile.